Nous voici bien embêtés, tous nos secrets révélés. Et Music toujours absente, Music in réapparaît. Qu'allons-nous faire si elle ne revenait jamais? Qu'allons-nous faire sans elle? Je me demande bien ce que Music devient quand je l'appelle. Elle ne répond pas, sans elle je ne suis rien. Nous voudrions la revoir, qu'elle nous ramène l'espoir. Mais elle est si bien cachée que nous restons dans le noir. Qu'allons-nous faire si elle ne revenait jamais? Qu'allons-nous faire sans elle? Elle me manque tellement, elle n'a même pas eu le temps de me dire ce qu'elle pensait de mon rock. Sans elle, je ne suis rien. Sans elle, nous n'entendons pas les couacs, les fautes dans nos voix. Et si elle revenait là, elle nous donnerait le la. Qu'allons-nous faire si elle ne revenait jamais? Qu'allons-nous faire sans elle? Sans elle, je deviens sourd. Elle est si douée pour corriger, suggérer, chanter, rimer, jouer. Sans elle, je ne suis rien. Et ce pauvre commissaire qui met en jeu sa carrière. Si je ne résous pas cette affaire, mon Dieu, que pourrais-je faire? Par Scarlatti, Handel et tous les bacs, qu'allons-nous faire sans elle? Si quelqu'un se joue de nous, qu'il se dénonce, qu'il avoue, sans ses chansons, la vie est cruelle. Je voudrais tant qu'elle revienne. Nous voulons te retrouver, t'entendre à nouveau jouer. Ta musique nous rend meilleurs, elle fait chavirer nos cœurs. Qu'allons-nous faire si tu ne revenais jamais? Qu'allons-nous faire sans toi? Qu'allons-nous faire si tu ne revenais jamais? Qu'allons-nous faire sans toi?